بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivaient sur la radio Bilal Al-Kini dans cette collaboration qui se veut être une collaboration avec le collectif des adeptes de la Sunna du nom de Pour le Savoir et la Miséricorde. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette assise qui sera la première assise à proprement parler dans laquelle on va, Inch'Allah Ta'ala, aborder l'épître des trois fondements de Cheikh al-Islam, Mohamed At-Tamimi, Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a. Et on va étudier ce livre-là avec les explications de Cheikh Ubayd al-Jabir, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Ceci étant dit, avant que l'on commence la nouvelle matière à proprement parler, il y a un adage qu'on va essayer de concrétiser, bi'idhnillahi Azza wa Jal, qui est Muraja'atul ilm hayatul ilm, c'est-à-dire le fait que la révision du savoir, c'est la vie du savoir. Et donc de ce fait, on va faire un bref récapitulatif de ce qu'on a vu dans le cours dernier, afin de rafraîchir nos mémoires, et ensuite on va commencer avec la nouvelle matière, Inch'Allah, à proprement parler. Donc parmi les points qu'on avait abordés dans la semaine dernière, il y avait le fait qu'on avait abordé l'importance du savoir, et de sa quête, de l'étude de la science. Et on avait vu que c'était une obligation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, comme rapporté dans le sunan de l'imam Ibn Majah, « Talab al-ilm faradatun ala kulli muslim » que la quête du savoir est une obligation qui incombe à tout musulman. Et bien entendu, le terme musulman ici n'exclut pas la musulmane. La musulmane est comprise dans la généralité. Le deuxième point, c'est que là, on devait être sincère dans la quête du savoir. C'est-à-dire, dès lors que l'on sait que la quête du savoir est une adoration, alors toute adoration doit être obligatoirement accomplie avec sincérité envers Allah, c'est-à-dire cherchant sa satisfaction à lui seul, cherchant à se rapprocher de lui par cela. Troisième point que l'on avait abordé, c'était concernant qu'est-ce qu'était la aqida, qu'est-ce qu'était la croyance. Et on avait vu que dans le sens religieux, la aqida, ça renvoyait à la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ensuite, on avait abordé concernant le jugement de l'apprentissage de la croyance, on avait vu que c'était une obligation. Et on avait mentionné des éléments concernant l'importance et certains fruits qui découlent du fait d'apprendre la croyance. En effet, le premier point qu'on avait mentionné, c'était des points que j'avais tirés d'un des livres que j'ai étudiés dans le marquez de Cheikh Khalid al-Dhafiri, le livre « Adhimul Minna », qui était que, déjà, de par la noblesse de cette science, c'est-à-dire que la science de la Aqida, ça aborde quoi ? Quel est le sujet le plus grandiose qu'on peut aborder lorsque l'on parle de la croyance ? C'est le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait mentionné, barakallahu fikum, que le sujet d'une science, plus le sujet d'une science est noble, plus cette science, elle aussi, en sera noble. Et donc, quelle science peut être plus noble qu'une science dont le sujet le plus important est Allah subhanahu wa ta'ala ? Le deuxième point qu'on avait mentionné, c'est que la croyance authentique, le fait de l'étudier correctement, va être une cause aidant le serviteur à ne pas tomber dans ce qui anéantit le tawhid, c'est-à-dire ce qui rend kafir, qui fait que la personne sorte de l'islam et devienne du nombre des polythéistes. Ça va le préserver de tomber dans ça, ou dans ce qui amenuit et amoindrit le tawhid, c'est-à-dire ce qui porte atteinte à son tawhid, qui affecte sa foi, mais qui ne le sort pas de l'islam. Également, on avait vu que la rectification de la croyance, c'est-à-dire le fait de s'assurer qu'on ait une bonne croyance, c'était une des plus grandes causes d'entrer au paradis. Barakallahu fikum. De plus, parmi les fawa'id, les bénéfices que l'on tire du fait d'apprendre la croyance authentique, c'est que la personne qui a une croyance authentique, ce sera une cause pour lui de préservation contre la résidence éternelle en enfer. Car tout adepte du tawhid, même s'il rentrera au paradis, même s'il viendrait à passer par l'enfer un temps, il est préservé du fait de résider éternellement en enfer. Du fait d'avoir concrétisé une part du tawhid. Non, car certains parmi les serviteurs sont différents dans leur concrétisation du tawhid. Certains ont réussi à concrétiser le tawhid à un niveau qui est différent des autres. Non, mais tout adepte du tawhid, n'ayant pas anéanti son tawhid par le shirk akbar, est bénéficiaire de la promesse d'Allah du fait de rentrer au paradis, même s'il passe un temps en enfer. Également, on avait vu que les mérites de la croyance authentique étaient que c'était une cause d'absolution des fautes, c'est-à-dire du pardon des fautes, des péchés. Et une cause d'élévation en degré, qu'Allah nous accorde de ses grâces. Et le fait d'étudier la croyance authentique est une cause de préservation contre le fait de tomber dans les innovations et du fait de suivre la voie des innovateurs. Et également, c'est une forteresse contre les ambiguïtés et les désirs illicites. Car on avait expliqué que la personne qui a une foi correcte, une foi basée sur de la science, ceci a un impact dans sa vie. Non, celui qui croit en Allah au jour dernier, qui croit au destin, etc., ça va impacter dans sa vie. Non. Ensuite, on avait vu parmi les points importants qu'on avait abordés dans la semaine dernière, les livres de Aqidah. Non, les livres de croyance sont de deux catégories. La première catégorie que l'on avait mentionnée, Barakallahu fikum, c'était les livres qui clarifient la croyance des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire des livres comme Al-Shari'a de l'imam Al-Ajurri, ou des livres qu'on appellera Bismi Sunnah, Sharh Sunnah, Usul Sunnah, mathalan, ou bien Al-Iman de Ibn Mandah, mathalan. Ce sont des livres qui sont là pour clarifier la croyance. Ensuite, il y a la deuxième grande catégorie de livres dans la Aqidah, c'est ce qu'on appelle Kutub al-Rudud, les livres de réfutation. C'est-à-dire des livres qui ont pour vocation de réfuter certains aspects. Et ils sont de trois catégories. Le premier, c'est les livres de réfutation qui sont là pour réfuter une innovation, un égarement en particulier. La deuxième catégorie, ce qu'on avait mentionné, c'était les livres qui étaient écrit dans le but de réfuter un groupe en particulier, et le troisième, c'était un livre qui a pour but de réfuter un innovateur en particulier. Ensuite, on avait abordé dans le sixième point dans la semaine dernière l'importance des épîtres et de leur mémorisation. Le septième point que l'on avait abordé, c'est un point important vis-à-vis duquel j'attire encore votre attention, barakallahu fikum, c'est concernant qu'est-ce qu'il faut prendre en note. Parce que lorsque la personne essaie de faire talib al-ilm, essaie d'apprendre, s'il ne suit pas la méthodologie correcte, c'est-à-dire la bonne méthode, il va faire des efforts qui, bien entendu, seront récompensés tant qu'il est sincère, mais qui ne porteront pas leurs fruits comme il l'espérait. Donc, parmi les choses qu'il faut noter impérativement, et ne vous inquiétez pas, je serai là pour guider les débutants parmi vous, pour ça, pour leur dire à quel moment il faut noter impérativement quelque chose. C'est-à-dire que je vais vous faire des remarques, je vais vous dire ça, notez-le, mémorisez-le, et Inch'Allah, vous serez orienté dans l'évolution dans le livre pour savoir quoi noter, quels sont les éléments fondamentaux. Parmi les éléments fondamentaux qu'on avait mentionnés, at-ta'rifat, c'est-à-dire les définitions, comme la définition du tawhid, la définition de l'islam, la définition de la foi, la définition de l'hypocrisie, la définition de la mécréance, et ainsi de suite. At-taqsimat, les catégorisations. Par exemple, la bid'a se divise en deux, le kufr se divise en deux, le nifaq, l'hypocrisie se divise en deux. Ça, c'est des taqsimat, des catégorisations. On avait donné aussi l'importance des furuq, c'est-à-dire des distinctions. Par exemple, si on parle du shirk akbar et le shirk asghar, quelle est la différence? Ben, ils ont des différences qui nous permettent de les distinguer. Et c'est une distinction qui est très pertinente au Qiyamah. Car celui qui tombe dans un shirk asghar, même il reste musulman. Tandis que celui qui tombe dans un shirk akbar, ça le sort de l'islam. Si les conditions sont bien entendues respectées le concernant. Et également de noter les règles et les grands principes. Ensuite, dans le huitième point qu'on avait abordé la semaine dernière, c'est qu'on avait fait une présentation du livre Thalathat al-Usul, le livre que l'on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Ce livre-là est un livre très important, parce que, ya Abdallah, sache que si tu meurs sur l'islam, tu seras amené à être testé. Tu seras testé dans ta tombe, comme les hadiths l'ont stipulé. Tu seras testé dans ta tombe par deux anges, Munkar wa Nakir. Et ils te poseront notamment trois questions. Ils te questionneront concernant ton Seigneur, concernant ta religion et concernant ton prophète. Et ce livre est basé sur ces questionnements, c'est-à-dire en rapport avec ces questionnements. Il aborde les sujets qu'il faut connaître pour réussir ce test-là, bi-idhnillah. Ensuite, le neuvième point que l'on avait abordé, c'était le fait d'aborder une brève biographie de Cheikh al-Islam, l'auteur, c'est-à-dire l'auteur du livre Thalathat al-Usul, rahimahullah. Pour rappel, le Cheikh est né en 1115 et est mort en 1206. Et nous sommes en 1444. Nous sommes dans le dernier mois de l'année 1444 de l'Hégire. Le dixième point que l'on avait abordé la semaine dernière, barakallahu fikum, c'était une biographie du savant dont on va bénéficier essentiellement en termes d'explication de cet épître. C'est Al-Allama, le défunt cheikh, qui est mort cette année en 1444, le cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali al-Jabiri Al-Hamdani, rahimahullah, qui est né en 1357 et qui est mort cette année en 1444, rahimahullah. Donc avec ça, on a fait la révision de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va aborder la nouvelle matière à proprement parler. Et je vais vous donner un conseil. Un conseil, et à chaque fois qu'on commencera un cours, on va aborder un conseil des ulémas dans la quête du savoir. Car ces conseils sont pertinents et importants dans la quête du savoir. Ce conseil vient d'une épître de Cheikh Abdullah ibn Sulfiq al-Dhafiri, qui a été lue par Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, qui a fait les éloges de cette épître et qui a recommandé de donner de l'importance à ces recommandations qui y sont présentes. Le conseil que je vous donne et que je me donne à moi-même en premier lieu, c'est al-isti'anatu billah. Car Cheikh Abdullah al-Dhafiri, hafidhahullah, a expliqué que l'homme est faible. Il n'y a de force et de puissance qu'auprès d'Allah. Et si l'être humain s'en remet à lui, alors il va à sa destruction et il va à sa perte. Tandis que s'il s'en remet à Allah le Très-Haut et lui demande son aide dans la quête du savoir, alors Allah va l'aider. Et Allah a incité vis-à-vis de cela dans son noble livre, dans le verset 5 de Surat Al-Fatiha. Dans le verset dont le sens en français est le suivant, « C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. » Donc Allah nous a incité à ce qu'on lui demande son aide. Subhanahu wa ta'ala. Et il mentionna également le verset de Surat Al-Talaq, le verset numéro 3, et dont le sens en français est le suivant, « Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. » C'est-à-dire, il est son garant. Et le verset 23 de Surat Al-Ma'idah, dans le sens en français est le suivant, « Et c'est en Allah en qui vous devez placer votre confiance si vous êtes véritablement du nombre des croyants. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, « Si vous placez votre confiance en Allah de la manière qui s'y est, alors il vous accorderait la subsistance à la manière avec laquelle il l'octroie aux oiseaux qui sortent au matin le ventre vide et qui reviennent au soir le ventre plein. » Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sans cesse en train de placer sa confiance et demander l'aide de son Seigneur dans toutes ses affaires. Et la preuve de cela se trouve dans la dua authentiquement rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il disait lorsqu'il sortait de chez lui. C'est-à-dire, « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. » C'est-à-dire, au nom d'Allah, j'ai placé ma confiance en Allah et il n'y a de force et de puissance qu'auprès d'Allah ou qu'en Allah. Et justement, ça c'est une preuve. Pourquoi? Parce que j'ai placé ma confiance en Allah. Ça prouve qu'il plaçait sa confiance en Allah dans ces circonstances, alayhi salatu wasalam. Taïb, moi j'ai une question, ya ma chère. Où se trouve la demande d'aide? Dans Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Où est la demande d'aide? Excuse-moi, Bilal, j'avais coupé. Excuse-moi. Mais allez, le micro était coupé. T'arrives l'un d'entre vous et la réponse? Tu peux répéter la question, s'il te plaît. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Où se trouve la demande d'aide dans cette invocation? Tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Ça, c'est par rapport au fait de placer sa confiance en Allah. Taïb, mais la demande d'aide, parmi les enseignements des ulema, c'est que le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, cette phrase qu'on appelle al-hawqalah, c'est une demande d'aide, comme Cheikh Al-Uthaymin l'avait mentionné. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, tu es en train de demander l'aide d'Allah. C'est une manière de demander l'aide d'Allah. Et justement, alors on comprend parmi les sagesses et les fawa'id du fait de le dire lorsque on entend l'adhan. Parce que lorsqu'on entend l'adhan et qu'on nous dit venez vers la prière, venez vers le succès, et que tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, tu demandes l'aide d'Allah. Tayyib. Marhaban bikum jami'an. Tayyib. Donc on va aborder bi'idhnillahi azza wa jal le livre à proprement parler. Donc on commence en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de concrétiser la sincérité dans cette œuvre que l'on va accomplir bi'idhnillah et que Allah subhanahu wa ta'ala daigne accepter cela de nous dans cette période bénie que sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Donc le livre que l'on va étudier à partir d'aujourd'hui, bi'idhnillah, dans nos assises de consacrer à la aqidah, c'est un livre qui s'appelle Ithaf al-Uqul bi sharh thalathati al-usul, que l'on pourrait traduire modestement et approximativement par le cadeau octroyé aux intellects dans l'explication des 3 fondements. La portion que l'on va étudier aujourd'hui, et je vous incite à mémoriser la portion que l'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire on étudie une portion du livre, là, pour la semaine prochaine vous essayez de la mémoriser. Comme ça, vous alliez entre la mémorisation et la connaissance et la compréhension. Et ceci est la meilleure méthode pour maîtriser le savoir. Donc, قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى، المسألة الأولى، العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية، العمل به. الثالثة، الدعوة إليه. الرابعة، الصبر على الأذى فيه. Donc l'auteur, donc Cheikh al-Islam al-Tamimi rahimahullah, a expliqué, a mentionné, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous incombe à tout à chacun d'apprendre quatre choses, d'apprendre quatre points. Le premier d'entre eux, c'est la science, et c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième, c'est la mise en application. La troisième, c'est l'appel à cela, c'est-à-dire à Da'wa, le prêche. La quatrième, c'est la patience face aux nuisances subies dues à cet appel. Taïeb. Donc on va déjà bénéficier de deux points. Concernant le terme i'lam, le fait de dire sache, et concernant le fait d'invoquer en disant rahimakallah. Donc l'auteur rahimakallah a commencé son épître par la mention de i'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Donc nous allons aborder dans un premier point les enseignements du terme sache, puis les enseignements relatifs à la phrase « qu'Allah te fasse miséricorde ». Concernant le premier point, Cheikh Obeid Adjabele a expliqué que le fait de commencer avec ce propos-là, les gens de science ont pris pour habitude de commencer leur livre avec cette phrase, de par ce qu'elle comprend comme attrait du regard, c'est-à-dire que le terme « sache », c'est un ordre et c'est une interpellation, c'est une manière d'attirer l'attention. C'est une interpellation adressée à celui qui écoute concernant ce qui va lui être adressé comme propos et de par l'importance qu'il revêt. Ça, c'est un procédé dans la da'wah. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu exhortes quelqu'un, tu attires son attention par ce genre de procédé afin de captiver son attention et d'avoir son intérêt. Non. Ensuite, le deuxième point concernant les enseignements relatifs au fait de dire qu'Allah te fasse miséricorde, Cheikh Obeid Al-Jabri a expliqué que cette phrase comporte également une invocation dans laquelle il est demandé que soit fait miséricorde à celui auquel l'auteur s'adresse en lui disant qu'Allah te fasse miséricorde. Et là, je rajoute une faïda de notre cheikh Khalid Al-Zafiri, hafidhahullah, qui avait expliqué que ce procédé dans la da'wah, c'est un procédé qui est bénéfique. Pourquoi ? Parce que lorsque tu commences avec la dua, quand tu veux donner le bon conseil à quelqu'un, tu veux lui ordonner le bien, tu veux lui interdire le mal, tu veux lui enseigner quelque chose, si tu commences par le fait d'invoquer en sa faveur, tu manifestes envers lui de la douceur, de la mansuétude, de la compassion, un bon comportement qui émane de ta part. Et donc ce sera plus à même à faire en sorte que la personne à qui tu t'adresses, à qui tu veux donner le bon conseil ou à qui tu veux faire une exhortation, il soit plus ouvert et plus à même d'accepter ce que tu veux lui dire. Taïeb. Ensuite, on va aborder la première des masail. Donc dans les quatre points que sont la science, la mise en application, le prêche et la patience, le premier point que l'on va aborder dans cet épître-là, à proprement parler, c'est concernant l'ilm, le savoir, la science. Et Cheikh Obeid Al-Jabri rahimahullah l'a défini dans un point de vue linguistique. Il a dit al-'ilm didul jahl wa huwa idraku haqiqati shay' 'ala ma hiya 'alayhi idrakan jazima. C'est-à-dire le premier point c'est la science et la science c'est didul jahl. C'est-à-dire l'opposé de l'ignorance. C'est l'opposé de l'ignorance. Tayyib. Et ceci dans un point de vue linguistique, ceci consiste à percevoir la réalité d'une chose conformément à ce qu'elle est, et ceci d'une perception catégorique, c'est-à-dire que tu es convaincu. Comment on pourrait reformuler cette phrase-là ? C'est-à-dire que la science, c'est que tu as une connaissance concernant la réalité de quelque chose, et ta connaissance est une connaissance catégorique, sur laquelle tu as une conviction. Non. Mais dans le din, quand on parle du ilm, quand on parle dans le contexte religieux, qu'est-ce qui est voulu ? Cheikh al-Islam, Mohammed al-Tamimi, rahimahullah, l'a lui-même défini. Il dit « wa huwa ma'rifatullah ». C'est la connaissance d'Allah. Wa ma'rifatu nabiyyih sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Et c'est la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Ça, c'est les trois fondements en vérité. La connaissance d'Allah, de son prophète et de sa religion. Et ça va être expliqué en détail dans les pages à venir. Bi'idhnillah. Mais là, Cheikh Obeid va faire une approche simple de ces différents termes, de ces différentes notions, de façon concise. Et je vous invite à être attentif. Barakallahu fikoum. Donc, concernant la connaissance d'Allah, qu'est-ce que c'est ? Cheikh Obeid Al-Jabri a expliqué « Hiya al-imanu bih ». C'est-à-dire que la connaissance d'Allah, ça revient à avoir foi en lui, de croire en Allah. Taïb. Il dit, وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ يَقْتَدِي الْإِيمَانَ بِوُجُودِهِ. C'est-à-dire que le fait d'avoir la foi en Allah, ça implique plusieurs choses. Et il va en mentionner quatre. Je vous invite à noter ces quatre éléments. Quand on parle de la foi en Allah, ça implique quatre choses. الْإِيمَانُ بِوُجُودِهِ. C'est-à-dire que ceci englobe et comprend la foi dans son existence. وَالْإِيمَانَ بِرُبُوِيَتِهِ. C'est-à-dire et la foi quant à sa seigneurie souveraine. On va l'expliquer, Inch'Allah. Pour l'instant, contentez-vous de noter. Après, l'explication va suivre. وَالْإِيمَانَ بِأُولُوهِيَتِهِ. Et le fait d'avoir foi quant à son droit exclusif à être adoré. وَالْإِيمَانَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Et la foi concernant ses noms et ses attributs. Donc la foi en Allah implique quatre choses. La foi dans son existence. La foi dans son unicité quant à sa seigneurie souveraine. La foi quant à son droit exclusif à être adoré à Azza wa Jal. Et la foi quant à ses noms et ses attributs. Taïb. Souvent, lorsque l'on aborde le terme al-rububiyya, la seigneurie souveraine d'Allah, souvent cette traduction est quelque peu ambiguë. Elle n'est pas suffisamment claire ou elle n'est pas suffisamment détaillée pour que tout à chacun puisse comprendre. Donc, qu'est-ce qui est voulu quand on parle de l'unicité d'Allah, quand on parle du tawhid fi rububiyya, dans la seigneurie souveraine? Qu'est-ce qui est voulu par ça? Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, a expliqué cela lui-même dans son explication de l'épître Les Quatre Règles. Il avait expliqué que l'unicité dans la seigneurie, ceci revient au fait d'unifier Allah dans ses actes, tels que la création, le fait qu'il est le seul à créer, le don de la subsistance, al-rizq, la royauté absolue, le fait qu'il est le détenteur de la royauté absolue sur tout ce qui existe, qu'il a la gérance, al-tadbir, le fait qu'il contrôle et qu'il gère toute chose, le fait qu'il est celui qui donne la mort, qu'il est celui qui donne la vie, et autre que cela parmi ce qui fait partie de ses actes qui lui sont propres. Donc je répète. L'unicité dans la seigneurie souveraine, al-rububiyya, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actes, tels que la création, le don de la subsistance, la royauté absolue, la gérance et le contrôle total, le fait de donner la vie, ainsi que la mort, et autre que cela, parmi ce qui fait partie de ses actes et qui lui sont propres. Celui qui voudrait résumer al-rububiyya de façon concise, comme un de mes ulama l'avait défini, il avait dit, yani, c'est le fait de unifier Allah dans ses actes. Hakada. Taïb. Donc ça, c'est une présentation de concernant Marifatullah. Donc la connaissance d'Allah, c'est la foi en lui. La foi en lui implique quatre choses. La foi en son existence, la foi dans son unicité, la foi dans sa seigneurie souveraine, la foi dans son droit exclusif à être adoré, la foi quant à ses noms et ses attributs. Taïb. Au Marifatun Nabiyye, qu'en est-il? Le cher... Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, donc a mentionné ce point-là en second plan. Cheikh Ubayd al-Jabri a dit Ma'rifatu Nabiyyina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bi annahu rasulun min Allah. C'est-à-dire le fait d'avoir la foi concernant le fait qu'il est un messager venant d'Allah. Alayhi salatu wa sallam. Et il n'a pas développé plus que ça. Mais ne vous inquiétez pas. Dans le troisième fondement qui est à la fin du livre, on aura l'occasion d'aborder la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le prophète? Sa lignée, ses ancêtres, où il est né, où il est mort, en quelle année il est né, est-ce qu'on connaît sa date de naissance, est-ce qu'on connaît sa date de mort? Parce que comme les ulema, comme Samahat al-Shir Salih al-Fawzan avait dit, il est une obligation qui incombe à tout musulman de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que les éléments essentiels de sa biographie. Beaucoup de gens ne savent même pas quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Sa date de mort, ou concernant certains éléments relatifs à sa naissance, et aussi les éléments basiques concernant sa vie en tant que leader religieux, durant sa vie en tant que prophète et messager. Et ceci est triste, car comment peut-on espérer avoir le succès quand on connaît mieux certains acteurs, certains chanteurs, certains rappeurs, au lieu de connaître le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes connaissent mieux la vie des footballeurs que celle de leur propre prophète, alayhi salatu wa sallam. Et avec cela, ils espèrent le succès. Donc il faut se retrousser les manches et faire les causes. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jal. Yani lana wa lakum at-tawfiq. Taïb. Et donc le troisième point, ma'rifatu din al-islam bil adillah. La connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Qu'est-ce qui est voulu par là? Cheikh Ubayd al-Jabri explique que la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves, cette phrase interpelle et attire l'attention à l'égard de la règle que je vous incite et je vous invite à noter. À l'égard de la règle qu'ont extrait les savants du Coran et de la Sunna, et cette règle est الأصل والأصل الأصل في العبادات المنع إلا بالنص. Ça, c'est une règle, c'est un principe dans la religion. La base concernant les adorations est l'abstention, sauf s'il y a un texte. Concrètement, qu'est-ce que cette règle veut dire? C'est-à-dire que si tu souhaites accomplir un acte de dévotion par lequel tu cherches à te rapprocher d'Allah, à moins que tu aies un texte, tu ne peux pas le faire. Car la religion, la voie par laquelle tu te rapproches d'Allah, a été légiférée par Allah lui-même. Donc tu ne peux pas te permettre d'inventer des choses par lesquelles tu chercheras à te rapprocher d'Allah en termes de dévotion religieuse. Ceci doit être basé sur les textes. Donc la base concernant les adorations, c'est que tu t'abstiens d'agir à moins que tu aies un texte. À moins que tu aies un texte qui légitime ton acte d'adoration. Taïeb. Donc la connaissance de l'islam. L'islam, on va voir qu'il y a plusieurs définitions pour le définir. Mais parmi les définitions qui ont été mentionnées, notamment par Cheikh Ubayd al-Jabri, dans son livre, dans laquelle il a expliqué l'explication, il a expliqué l'ouvrage de l'imam al-Shawkani, At-Tuhaf fi Madahib al-Salaf, il avait dit que l'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid, l'assujettissement à son égard par l'obéissance, et de se débarrasser de toute forme de polythéisme, et de se désavouer, excusez-moi, du polythéisme et de ses adeptes. Cette définition, je vous invite à la noter. C'est-à-dire que l'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid, l'assujettissement à son égard par l'obéissance, et le fait de se débarrasser de toute forme de polythéisme, ainsi que de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Ceci est une des définitions de l'islam. Et cette définition fut mentionnée par Cheikh Ubayd al-Jabri dans son explication de At-Tuhaf fi Madahib al-Salaf de l'imam al-Shawkani. Taïb. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri continue à expliquer le concept concernant la dévotion religieuse, c'est-à-dire la ibada, l'adoration. Il dit donc la dévotion religieuse, le rapprochement ainsi que l'adoration d'Allah, ne peut être accomplie si ce n'est de par un texte authentique et explicite. Car il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation concernant l'affirmation de quoi que ce soit en termes d'adoration. Et cette preuve provient soit du Coran, soit de la Sunna, ou soit d'un consensus des prédécesseurs de cette communauté. Le consensus, on va l'expliquer, Inch'Allah. Qu'est-ce qui est voulu par le terme al-ijma'? Parce que al-ijma' est une source référentielle dans la religion. Donc il dit, donc cette preuve sera soit une preuve qui provient du Coran, soit de la Sunna, ou soit un consensus des prédécesseurs, c'est-à-dire l'unanimité des prédécesseurs de cette communauté, concernant le fait qu'Allah ait ordonné telle chose. Et il rapporta une narration de l'émir des croyants, le quatrième calife, yani Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum. Donc, dans le sens où yani, il a dit, si la religion était basée sur l'opinion, alors le dessous du chausson serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Je note, j'ouvre ici une parenthèse. Qu'est-ce qui est voulu par ce athar de Ali ibn Abi Talib? C'est-à-dire que, comme vous le savez, le masḥ 'ala al-khuffayn, le fait d'essuyer les chaussons lorsque l'on fait le wudu, est quelque chose qui est établi de par le Coran, la Sunna et l'ijma', le consensus. Les ulémas sont unanimes sur le caractère légiféré de cet acte-là. Mais on essuie quelle partie lorsque l'on essuie le chausson? Le dessous ou le dessus? Le dessus. Et justement, Ali ibn Abi Talib avait expliqué que si la religion était basée sur la raison, l'opinion, le dessous des chaussons, vu que c'est ce qui salit quand on marche, aurait été plus en droit d'être essuyé que le dessus. Mais pourquoi on essuie le dessus? Parce que c'est ce qui a été révélé, c'est ce qui a été légiféré. Non, ce qui prouve qu'on donne la précédence et la préséance au texte de la révélation. Non. Et donc, le Cheikh Ubayd al-Jabri dit que ceci est une chose à propos de laquelle les imams sont unanimes, à savoir les imams de l'islam, comprenant les sahaba, ainsi que les imams des quatre écoles juridiques, c'est-à-dire le madhab de Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed, et d'autres encore, ils sont unanimes quant au fait que la religion est basée sur la preuve. Ça, c'est un point important que je vous invite à noter. Le fait que les ulémas sont unanimes quant au fait que la religion est basée sur la preuve. Ça, c'est un ijma, c'est important de le noter. Et on va voir qu'est-ce que c'est l'ijma, inshallah, à travers les explications de Cheikh Obeid al-Jabiri, rahimahullah. Et donc ensuite, il a mentionné un athar, une narration de l'imam Malik ibn Anas, le grand savant de la sunna, dans laquelle il disait, après son cours, il disait, parmi les paroles, il y en a qui sont acceptées et d'autres qui sont rejetées. Exception faite concernant la parole de l'occupant de cette tombe. Il visait et faisait allusion ici au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, les adeptes de la sunna et du groupe, les adeptes de la salafia, ils pèsent les paroles des gens ainsi que leurs actes avec deux balances, sans qu'il n'y en ait une troisième. Je vous invite à noter ces deux balances et on va les expliquer. Le nas wal ijma, c'est-à-dire qu'on doit peser les actes et les paroles des gens en les comparant au nas. Le nas, c'est un terme qui vise le texte, c'est-à-dire ceci comprend le Coran et la sunna. Et l'ijma, l'ijma, c'est le consensus. Et on va l'expliquer, inshallah, avec les explications de Cheikh Obeid al-Jabir, rahimahullah. Donc, on va, comme Cheikh Obeid al-Jabir l'explique, il dit le terme texte englobe le livre et la sunna, c'est-à-dire le Coran et la sunna. Et donc, celui qui sera en concordance avec un texte ou avec un consensus, ceci sera accepté de lui. Et quant à celui qui divergerait avec un texte ou un consensus, sa parole et son acte seront rejetés. Donc ça, c'est une manière avec laquelle on pèse et on mesure les actes et les paroles des gens. Celui qui dit une parole dans la religion ou un acte qu'il accomplit, qui est conforme au texte ou au consensus, on accepte cela de lui. Mais celui qui viendrait à contrevenir au texte ou à l'ijma, alors ceci sera rejeté de lui. Taïb, maintenant, qu'est-ce que c'est l'ijma? Ce terme-là va revenir beaucoup. Vous allez l'entendre dans les sujets de Aqid, vous allez l'entendre dans les sujets de fiqh, et peut-être certains d'entre vous qui sont des frères qui ont fait des efforts dans la quête du savoir, entendez souvent ce titre-là, cette appellation, l'ijma, que l'on traduit par le consensus ou par l'unanimité. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Cheikh Obeid al-Jabri, dans son explication de l'épître d'Ibn Taymiyyah concernant l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, a défini l'ijma en disant que c'est l'unanimité des savants. Je vous invite à noter. C'est l'unanimité des savants capables de l'effort d'interprétation qui survient après le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant une époque quelconque concernant une affaire de la législation. C'est l'unanimité des savants capables de l'effort d'interprétation qui survient après le décès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant une époque quelconque concernant une affaire de la législation. Sachant que les éléments essentiels à retenir seront récapitulés dans un résumé qui vous sera fourni, inshallah, par la suite. Mais essayez de noter, afin de vous habituer à prendre en note. Car écouter et être attentif et prendre des notes en même temps, c'est quelque chose qui s'apprend par le fait de le faire. C'est-à-dire le fait de faire l'expérience de cela. Comme ça, on développe ce qu'on appelle des compétences, la capacité de se focaliser sur ce que l'enseignant dit, tout en prenant en note ce qu'il dit en même temps. Et ceci vous servira quand vous étudierez auprès des mashayikhs. Incha'Allah Ta'ala. Non. Donc, Cheikh Obeid al-Jabri dit, concernant le fait que cette connaissance de l'islam est faite de par les preuves, ceci veut dire qu'il faut se restreindre à la preuve concernant l'adoration. Et ceci est la condition du suivi, c'est-à-dire du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, toute adoration se doit de respecter deux conditions afin d'être acceptée par Allah. Je vous invite à noter ce qui va être mentionné. Ce qui va être mentionné, barakallahu fikum, est ce que l'on appelle les deux conditions de validité des œuvres ou d'acceptation des œuvres. Le fait de, premièrement, concrétiser la sincérité envers Allah exclusive, c'est-à-dire le fait de vouer un culte exclusif envers Allah seul sans lui donner aucun associé. Et le deuxième aspect qui est une condition d'acceptation de l'œuvre, c'est la concrétisation du suivi du messager d'Allah. D'ailleurs, qu'est-ce qui est voulu par ça? C'est-à-dire que quand tu accomplis ton acte d'adoration, premièrement, tu le fais pour Allah uniquement. Tu adores Allah par cet acte. Tu cherches la satisfaction d'Allah par cet acte. Et deuxième aspect, concernant le comment de ton adoration, tu vas adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. En effet, les ulama ont rapporté de nombreux hadiths sur le sujet. Par exemple, prenons à l'exemple de la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentiquement rapporté de lui, alayhi salatu wa sallam, avait dit خذوا عني مناس... excusez-moi, صلوا كما رأيتموني أصلي. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc on doit prier comme le prophète sallam a été vu prier. Donc on doit prier en se basant sur les narrations qui ont été transmises de lui. Et dans un autre hadith concernant le hajj, mais la généralité de cette recommandation s'applique au reste de sa religion et au reste de sa pratique, alayhi salatu wasalam, خذوا عني مناسككم. C'est-à-dire, prenez de moi vos rites. À la base, ce hadith s'inscrit dans un contexte relatif au hajj. Mais ceci se base dans toute la religion. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté dans le Sahih al-Imam al-Bukhari et dans le Sahih al-Imam Muslim, avait dit, comme Aïcha le rapporte, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. C'est-à-dire, quiconque innove et introduit dans notre religion ce qui n'en faisait pas partie initialement, la verra rejeter. Et dans une autre version rapportée dans le Sahih al-Imam Muslim, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque est œuvre d'une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, la verra rejeter. Donc on voit le danger de l'innovation. Car en vérité, comme un des ulama auprès duquel j'ai eu l'honneur d'étudier avait mentionné dans un de ses livres, Hafidhahullah, le fait que l'innovateur, celui qui innove dans la religion, qui innove dans la pratique religieuse, c'est comme si par son acte, il était en train de dire qu'il n'était pas satisfait de ce qu'Allah lui a légiféré comme législation pour se rapprocher d'Allah, et il érige sa propre personne en tant que législateur avec Allah pour légiférer dans sa vie des actes par lesquels il va se rapprocher d'Allah avec. En fait, l'innovation est bien plus grave que ce qu'on en imagine. Aïe. Donc, ça, c'était le premier point. Ce qu'on en a abordé, c'est le premier point. Al-ilm, la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Aïe. Maintenant, on va passer au point suivant. Al-amal bih. Le deuxième point, al-amal bih, la mise en application, la pratique de l'islam. Donc, Cheikh Obeid Al-Jaberi explique que le deuxième point, c'est la mise en application de cette religion, c'est-à-dire la pratique de la religion d'Allah. En effet, le fruit de la science, c'est l'œuvre. Et la science sans œuvre est similaire à un arbre sans fruit, c'est-à-dire qu'il est dépourvu d'utilité. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, et je vous invite à être attentif, car beaucoup d'entre nous avons fait des efforts dans la mémorisation du Coran. Mais avons-nous mémorisé le Coran comme les Sahaba le mémorisaient avec le messager d'Allah? Posons-nous la question. Comment faisait-il? Soyez attentifs avec moi, barakallahu fikum, et profitons tous ensemble des explications de Cheikh Obeid. Donc il mentionne que Abdullah ibn Mas'ud disait, nous ne dépassions pas 10 versets que nous apprenions de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tant que nous n'en ayons appris les sens et que nous les ayons mis en application. Il disait également, nous apprenions la science et la pratique. Taïb, méditons deux secondes ensemble sur ce athar. Donc les sahaba, dont Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il a été rapporté par les ulémas qu'il a appris près ou plus de 70 sourates directement du messager d'Allah. Donc il a mémorisé la majorité du Coran en le prenant directement du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment il étudiait le Coran? Comment il le mémorisait? Est-ce qu'il le mémorisait simplement et il n'en comprenait pas l'essence? Là, celui qui agit de la sorte peut se retrouver dans une situation difficile. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk » C'est-à-dire que le Qur'an est une preuve en ta faveur ou en ta défaveur. C'est-à-dire en ta faveur si tu l'as mémorisé, si tu, par exemple tu viendras à le mémoriser, à l'étudier, à le comprendre, à l'appliquer, tayyib, c'est un khir. Mais si par exemple le Qur'an tu le connais, mais tu ne l'appliques pas, alors dans ce cas-là, tu te mets en danger. Donc de ce fait, il est important de chercher à comprendre les termes du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran afin que, parmi les modalités importantes vis-à-vis du Coran, sa lecture, sa méditation et sa mise en application. Comme Cheikh Al-Uthaymeen l'a mentionné dans Usulun fi Tafsir, qui est un livre abordant les fondements du Tafsir. Il dit que le Coran a été révélé pour être lu, pour être médité et pour être mis en application. Et Allah Azzajal a dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih » C'est-à-dire c'est un livre dont nous avons fait la révélation qui est béni, rempli de bien afin qu'ils en méditent les versets. Donc Abdullah ibn Mas'ud a rapporté la méthodologie des sahaba dans cette narration. Il mémorisait le Coran, en comprenait l'essence et le mettait en application. Et ceci est la meilleure manière d'apprendre le Coran. Je retourne dans les propos de Cheikh Obeid. Cheikh Obeid al-Jabri dit que la science jointe à l'œuvre, c'est-à-dire la mise en application, à l'œuvre valide, conforme à ces deux conditions de validité, c'est-à-dire à l'ikhlas, la sincérité envers Allah et la conformité à la pratique du prophète, la science qui est jointe à l'œuvre valide, conforme à ces deux conditions de validité, est une preuve en faveur du serviteur auprès d'Allah. Cette science-là sera une preuve en sa faveur auprès d'Allah. Yani yawm al-qiyam. Si se sont réunis l'œuvre, la science et l'œuvre valide, qui est l'œuvre conforme aux deux conditions précédentes, yani précédemment mentionnées. Alors cette science est une preuve en faveur du serviteur auprès de son Seigneur. Ça, c'est le meilleur des cas. La science qui est suivie de l'œuvre. Ça, c'est la première catégorie d'individus. Et c'est la meilleure, qu'Allah nous permette d'en être. Ce sont ceux qui ont appris et qui ont œuvré conformément à la science qu'ils ont apprise. Mais deuxième catégorie que le shir aborde. Et si la science n'est pas jointe à l'action, c'est-à-dire tu connais la vérité, tu connais les obligations de l'islam, par exemple, mais tu ne les pratique pas, tu ne les concrétises pas dans ta vie. Alors le cheikh dit, alors la science est une preuve à l'encontre du serviteur. Et l'individu sera similaire à ceux qui sont l'objet de la colère d'Allah, à savoir les Yahoud, du fait qu'ils n'ont pas œuvré. Donc ça c'est la deuxième catégorie. La première catégorie, ce sont ceux qui ont la science et qui ont œuvré en conformité, qui ont mis en application ce que leur science impliquait. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont de la science, mais qui ne mettent pas en pratique cette science, alors que cette science doit être mise en pratique. La troisième catégorie, c'est celle que Cheikh décrit en disant si l'œuvre est présente, mais accomplie sans science, c'est-à-dire que la personne œuvre, mais sans se baser sur une science au préalable, alors c'est l'ignorance et l'incohérence qui se retrouveront dans l'adoration. Et en agissant ainsi, l'individu aura alors une similitude avec les Nasara, car ils adorent Allah avec ignorance et égarement. Et dans le hadith authentique, il est dit, on amènera un homme au jour de la résurrection qui sera jeté en enfer. Et ses entrailles seront en dehors de son ventre, c'est-à-dire qu'il sera éventré. C'est-à-dire qu'il aura ses entrailles, ses intestins, et ses organes internes qui seront à l'extérieur de son corps. Et ses entrailles seront en dehors de son ventre, car l'âme en préserve ainsi que vous. Et il tournera en rond à l'image de l'âne qui tourne autour de la meule. Alors les habitants de l'enfer se réuniront autour de lui et lui diront « Ô un tel, comment se fait-il que tu sois dans cet état ? Ne nous ordonnais-tu donc pas le bien et ne nous interdisais-tu donc pas le mal » C'est-à-dire dans cette dunya, dans la vie d'avant. Il dira « Je vous ordonnais le convenable et je ne le faisais pas, et je vous interdisais le mal et je le faisais. » Donc c'est-à-dire que c'était une personne qui avait de la science, mais qui ne concrétisait pas ce que sa science impliquait comme œuvre. Donc il est châtié de la manière qui a été décrite. Pour la faïda que je rajoute, pourquoi ses intestins sont en dehors de son ventre? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymi avait dit du fait que cet homme-là sera projeté avec une telle force par les anges en enfer que lorsqu'il atterrira au fond en enfer, son ventre s'entrouvrira. Et le Cheikh Ubayd al-Jabri a mentionné un vers de poésie qui était un vers de poésie contenant une sagesse. Qui mentionne وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَادِ الْوَثَنِ c'est-à-dire le savant qui n'aura pas mis en pratique son savoir sera châtié avant les adorateurs des idoles. Donc ça c'était l'explication du deuxième point après la science, c'est la mise en application. Voyons à présent le troisième point. Le troisième point concernant الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. Donc une fois que tu as appris ta religion, que tu as mis en pratique cela. Ça concerne la réforme de qui ? Ça concerne la réforme de ta personne. C'est-à-dire qu'en apprenant, pour enlever de l'ignorance, l'ignorance de ta personne, et œuvrer conformément à ce qu'Allah veut et désire de toi, tu as donc concrétisé ce qui est relatif à la réforme de ta personne. Maintenant, les deux points suivants sont relatifs à la réforme des autres. Et comme un de mes ulema avec lequel j'ai étudié en Égypte avait mentionné lorsqu'il nous avait enseigné Thalathatul Usul, il avait dit que celui qui est un prédicateur doit être quelqu'un qui s'est réformé d'abord avant de réformer autrui. Non. Et donc, le troisième point, c'est l'appel à cela. Cheikh Ubayd al-Jabri, rahimahullah, a expliqué en disant que donc la personne a su, a appliqué. Donc il a su et il a mis en pratique. Alors il lui incombe d'appeler à cette religion qu'Allah lui a fait grâce de connaître et d'appliquer. Et il nous mentionne, et ici, nous mentionnons quels sont les comportements du prédicateur. Je fais une petite parenthèse. Là, ici, Cheikh Obeid Al-Jabri, rahimahullah, ne va pas faire une mention exhaustive des caractéristiques du prédicateur. Il ne va pas mentionner toutes les caractéristiques, yani, une après l'autre, de ce que doit avoir comme caractéristique le prédicateur. C'est une mention de certains éléments fondamentaux, essentiels au prédicateur. Et même si on n'est pas quelqu'un qui donne des doros, qui donne des cours, qui enjoint le bien et le mal dans les mosquées, etc., on doit s'en inspirer parce qu'à une certaine échelle, on est tous des gens qui contribuent à la transmission de l'islam avec nos familles, avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues. Donc, à une certaine échelle, on doit essayer de se parer de ses caractéristiques et de ses nobles comportements à notre échelle. Et donc, il mentionna que le prédicateur appelant à Allah a de nombreux comportements. Et nous espérons pouvoir en mentionner les plus importants. Le premier, je vous invite à noter, sachant que je vais les synthétiser. Je vais les synthétiser et les développer avec les explications de Cheikh Obeid, mais je vais vous donner les mots clés à noter afin de pouvoir vous rappeler, vous remémorer les 9 caractéristiques. Le premier, c'est être diligent. Être diligent. Qu'est-ce qui est voulu par ça? C'est-à-dire être diligent et désirer ardemment la guidance des gens et leur transmettre la religion d'Allah. C'est ce qui est voulu. Être diligent quant à la guidance des gens et leur transmettre la religion d'Allah. Vouloir ça pour eux. Le deuxième aspect, c'est al-rifq. Le deuxième aspect, c'est al-rifq, la douceur. Car la douceur n'est pas présente dans une chose sans que cela ne l'embellisse, et elle n'est pas enlevée d'une chose sans que cela ne l'enlaidisse. Et Cheikh Obeid Al-Jabri avait enseigné, rahimahullah, que la base dans la da'wah, c'était le fait de faire preuve de douceur. Non. Donc le premier point, c'est le fait d'être diligent, de désirer ardemment la guidance des gens. Deuxièmement, c'est le fait de faire preuve de douceur. Troisièmement, la sagesse, al-hikmah. Le fait de faire preuve de sagesse. Et Cheikh Obeid Al-Jabri, rahimahullah, l'a défini en disant que c'est mettre chaque chose à sa juste place. Le fait de mettre chaque chose à sa juste place. Et il y a une définition que je rajoute, qui est une définition qui est très bénéfique, c'est celle de Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim, qui est une des meilleures définitions de la sagesse. C'est le fait que la sagesse, c'est l'acte approprié, accompli de la manière appropriée, au moment approprié. Je répète. La sagesse, c'est l'acte approprié, accompli de la manière appropriée, c'est-à-dire de la manière qui convient, au moment approprié. Et ça, c'est une des meilleures définitions de la sagesse. Donc, le premier point, c'est qu'on avait vu le fait d'être diligent. Le deuxième, le fait de faire preuve de douceur à l'égard des gens. Troisièmement, la sagesse. Le fait de faire preuve de sagesse. La quatrième caractéristique, c'est al-mu'adatul hasana. La bonne exhortation. Et c'est justement, Cheikh Obeid Al-Jabri le définit un peu plus loin en disant ceci va consister à l'incitation et à la dissuasion, employant ces deux procédés à l'endroit qui sied. L'incitation, c'est ce qu'on appelle at-targhib. Et la dissuasion, c'est ce qu'on appelle at-targhib. C'est-à-dire, quand tu vas faire une exhortation à quelqu'un, tu vas l'inciter au khair. Par exemple, si tu veux le pousser à faire une adoration, tu vas lui mentionner les textes du Coran ou de la Sunna, mentionnant les grandes récompenses qui découlent du fait d'obéir à Allah dans cet aspect-là. Ça va l'inciter, ça va susciter en lui le désir quant au fait d'obéir à Allah et de concrétiser son obéissance. Tandis que at-tarhib, c'est le fait de susciter l'effroi, la frayeur. Donc ça va être le fait de dissuader quelqu'un vis-à-vis de l'accomplissement de la désobéissance d'Allah. Donc tu vas lui faire peur, tu vas le persuader de renoncer. Donc tu vas le dissuader de désobéir à Allah. Donc par le fait de lui mentionner des textes mentionnant les châtiments dans le Coran et dans la Sunna, ce qui attend dans l'au-delà, les gens qui se seront rendus coupables de tel et tel péché, par exemple. Et justement, Cheikh Obeid Al-Jabri a dit que la bonne exhortation, ça va consister à l'incitation et à la dissuasion, employant ces deux procédés-là à l'endroit qui sied, c'est-à-dire au moment qui convient. Non. Le cinquième point, qui est « Al-Mujadalatu billati hi ahsan ». C'est-à-dire le débat qui est accompli de la meilleure des manières. C'est-à-dire dans le cas où celui auquel est adressé le prêche a besoin que l'on débatte avec lui afin de lui enlever une ambiguïté. Non, une choubha. Taïb, qu'est-ce que ça veut dire une choubha? On entend beaucoup ce genre de terme parmi les adeptes de la sunna, notamment. Le fait qu'on dise que quelqu'un il a des choubouhat. Ou fais attention, il va te lancer des choubouhat, il va te lancer une choubha. Qu'est-ce que ça veut dire une choubha? Taïb. La choubha, cher Salih Ali Sheikh, donc j'ouvre ici une modeste parenthèse, cher Salih Ali Sheikh, rahimahullah, hafadahullah, dans son explication de Kashf Shubuhat, a expliqué que ce que l'on appelle une choubha, en disant que yani, c'est l'ambiguïté est un terme faisant référence à la similitude du faux par rapport à la vérité. C'est-à-dire c'est quelque chose de faux, mais qui ressemble en apparence à la vérité. Et c'est également la manière avec laquelle l'a défini Cheikh Zayed al-Matrali, rahimahullah, dans son explication de Kashf Shubuhat. C'est quelque chose de faux, mais qui ressemble à la vérité. Donc, et Cheikh Saleh Ali Cher avait dit que si dans un sujet, le faux est rendu similaire à la vérité dans le sens où ce faux fut accompagné d'une preuve, d'un argument par lequel on cherche à opposer la vérité, alors c'est une ambiguïté. Donc l'ambiguïté, c'est quelque chose de faux, une prétention, quelque chose de faux, qui est accompagné de preuves de la révélation qui sont utilisées pour essayer de soutenir ce faux et le faire passer pour quelque chose de vrai. Mais c'est quelque chose qui, dans le fond, est faux. Et les preuves du Coran et de la Sunna qui seront utilisées pour le défendre ne sont pas en la faveur de cette ambiguïté. Mais c'est justement pour lui donner une image de crédibilité et de légitimité. Non. Mais ceci, après la clarification des ulémas de ces textes-là, on verra que les textes que les gens de l'innovation utilisent pour défendre leurs ambiguïtés sont en vérité contre eux. Non. Comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'avait expliqué. Donc on a atteint notre temps qu'on avait prévu de faire. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, bi-idhnillahi azawajal. Et on poursuivra dans la 6 de la semaine prochaine, dans la Aqidah, bi-idhnillahi azawajal. Hada wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, Ikhwa, est-ce que l'un d'entre vous a une chose qui n'était pas claire dans ce qui a été mentionné aujourd'hui?